Les éditions de l'Avenir présentent Les rues de Québec par J.M. Lemoine, Montréal, Compagnie d'imprimerie canadienne, 222 rue Notre-Dame, 1875. Les rues de Québec. La haute ville, avec ses grands chênes, ses noyers, ses ormes majestueux, quand elle faisait partie de la forêt primitive, a dû être un endroit fort giboyeux. Si Champlain et son beau-frère Boulay, ainsi que ses amis de la basse ville, eussent été moins ardents pour chasser d'autres hôtes de la forêt bien plus dangereux, au lieu de faire mention seulement des renards qui rôdaient autour de l'habitation, ils auraient noté quelques-unes des parties de chasse qui ont dû se faire sur les déclivités boisées du Cap au Diamant et dans les halliers du coteau Sainte-Geneviève, surtout quand le scorbut ou la disette rendaient indispensable l'usage des viandes fraîches. Perdrix, bécasses, lièvres, castors, renards, caribous, ours ont dû fréquenter les monts et vallées de l'antique Stadacone. En 1617, la chasse dut céder le pas à la culture. Le premier habitant de la Haute-Ville, l'apothicaire Louis Hébert, y établissait feu et lieu. « Cette année-là, il commença aussitôt, dit l'abbé Ferland, à défricher le terrain sur lequel se trouve la cathédrale, le séminaire et cette partie de la Haute-Ville qui s'étend depuis la rue Sainte-Famille jusqu'à l'Hôtel-Dieu. Il bâtit une maison et un moulin vers la partie de la rue Saint-Joseph où elle reçoit les rues Saint-François et Saint-Flavien. » L'abbé Laverdière, au contraire, prétend que la maison d'Hébert a dû être bâtie sur le site de l'évêché actuel. Œuvre de Champlain, tome 2. Ces édifices paraissent avoir été les premiers qui aient été élevés sur l'emplacement occupé par la Haute-Ville. À cette époque, il ne pouvait y avoir que des sentiers étroits, des avenues irrégulières suivant les détours de la forêt. Ces sentiers s'aplanirent, s'élargirent avec le temps. Champlain et Kurt s'occupèrent peu de la voirie. On n'avait pas encore pensé aux grands voyers en la Nouvelle-France. Un des premiers soucis du gouverneur de Montmagny, après avoir fortifié la place, fut de faire préparer un plan de la ville, d'aligner, d'élargir, de redresser les rues. Certes, ce n'était pas sans besoin. S'il eût poussé encore plus loin cette utile réforme, il aurait épargné à notre municipalité bien des ennuis, au public bien des embarras. On avait, le 17 novembre 1623, pratiqué une descente à la basse ville, moins dangereuse que celle qui existait déjà. L'été, l'on voyageait par eau, d'ordinaire en canot d'écorce. L'hiver, on avait recours aux raquettes. À quelle année remontent les voitures à roues? C'est ce qu'il ne nous a pas été donné de découvrir. Le premier cheval, destiné au gouverneur de la colonie, arriva de France en 1648. Son Excellence l'employait-il comme cheval de selle seulement? Ou bien, quand il allait, au jour de l'an, saluer les jésuites, les bonnes dames ursulines, leur porter leurs étrennes, qui, d'après le journal des jésuites, consistaient en vins d'Espagne, tourtières, chapons, livres de piété, etc. Se faisait-il mener en carriole et en calèche pendant la belle saison? Voilà encore un point pour nos antiquaires. Bien qu'il y eut des bestiaux à Québec en 1623, on se servit pour la première fois de bœufs pour labourer le 27 avril 1628. Le 16 juillet 1665, un navire français amenait 12 chevaux. C'était sans doute des montures pour le brillant état-major du grand marquis de Tracy, Viceroy. Ces fringants militaires du colonel de Salières, cette jeunesse dorée du marquis de Tracy, montés sur leurs 12 chevaux français, que les aborigènes ébahis nommaient des orignaux d'Europe, menaient grand train à Québec. Y avait-il des tandems, des driving clubs en 1665? Gwen Sabé? Ce n'étaient pas tous des saints comme Paul Dupuis que ces messieurs du colonel de Salières. Le major Laprodière, par exemple, aurait pu rendre des points aux plus enragés gamins que les guards de la reine Victoria aient compté dans la colonie deux siècles plus tard. S'il y avait à Québec 12 chevaux de gentilshommes, ils ne passaient pas toute leur existence à l'écurie. Les sentiers escarpés de la Haute-Ville durent s'aplanir, s'élargir. la voie publique cessa d'être réservée aux piétons seulement. C'est là, précisément, où nous en voulons venir. En effet, les rues de Québec prirent rapidement de l'importance en 1665. Les améliorations effectuées pendant l'administration du chevalier de Montmagny avaient été fort goûtées. L'illustre chevalier avait ses rues Saint-Louis, Sainte-Anne, Richelieu, d'Aiguillon, Saint-Jean. Pour honorer son roi et maître Louis XIII, la rue Anne d'Autriche, le duc de Richelieu, sa nièce la duchesse d'Aiguillon, le bon prêtre Saint-Sauveur. La rue Saint-Louis, au siècle dernier, était habitée par bien des notabilités. Le juge en chef, Sewell, occupait l'hôtel actuel du gouvernement. Il décéda en 1839. Il y avait l'hôtel de M. de Lobinière, la maison de la chère amie de Bigot, Mme Péan, où le juge Hemsley résidait vers 1815. Plus tard, le gouvernement l'acheta pour une caserne d'officiers. Vis-à-vis la cour de justice, l'on voit le Kent House, où Sa Grâce le prince Édouard séjourna en 1791. Le numéro 42, la maison du tonnelier François Gobert, où l'on déposa la dépouille du général Montgomery le 31 décembre 1775, est devenu historique. Le sulpicien Vignal logeait dans cette rue. De nos jours, les sommités judiciaires, parlementaires et les avocats l'ont accaparé. Vous y trouvez le juge en chef Duval, les juges Tachereau, Tessier, Bossé, Caron, messieurs P. Pelletier, H. Tachereau, député, messieurs Bossé, Languedoc, Hamel, Deschaine, Parkin, Dunbar, dont les clients sont aussi matinales qu'au temps d'Horace. Sub cantu galli. De la basse ville, on montait à la haute ville par un chemin tortueux, pratiqué entre les rochers, et sur la droite, on rencontrait le cimetière. Ce chemin, qui aboutissait à l'église paroissiale, se divisait en deux. D'un côté, il conduisait chez les Jésuites et à l'hôpital, l'Hôtel-Dieu, de l'autre, au fort des Sauvages et au château Saint-Louis. Le château, ou le fort du roi, gardé par des soldats nuit et jour, sous les ordres du gouverneur, était de forme irrégulière, flanqué de bastions armés de pièces d'artillerie, et offrait à l'intérieur plusieurs corps de logis séparés les uns des autres. À 43 de là environ, on voyait, du côté du midi, un petit jardin clos, à l'usage du gouverneur, et devant le château, à l'ouest, était la place d'armes, le rond, en forme de trapèze. Sur l'un des côtés de cette place, l'on voyait un bâtiment attribué d'abord à la sénéchaussée et qui portait le nom du palais. C'était là, sans doute, qu'en 1664, le Conseil souverain tenait ses séances. De la place d'armes partait le grand chemin qui conduisait au Cap-Rouge. À droite et à gauche de ce chemin étaient quelques emplacements donnés à des particuliers pour y bâtir. Le fort des Sauvages était ce réduit dont on a parlé, qui servait d'asile au triste reste de la nation huronne, formant en tout 80 âmes en l'année 1665. Il continua d'être occupé par eux jusqu'à la paix faite avec les Iroquois après l'arrivée des troupes. Ils le quittèrent alors pour se livrer à la culture des terres. Outre les bâtiments des révérends pères jésuites, ceux des religieuses et ceux de l'hôpital, on voyait à la haute ville une maison située derrière le chevet de l'église paroissiale où habitait Monseigneur de Laval. C'était probablement ce qu'il appelait son séminaire et où il faisait élever des jeunes gens qu'on put promouvoir un jour au sacerdoce. C'était au séminaire que le prélat résidait avec ses prêtres, au nombre de 8, qui composaient alors tout le clergé séculier de Québec. Là était aussi l'église de Notre-Dame, en forme de croix latine. Voyons. La rue Couillard appelle un des personnages les plus importants de l'ère de Champlain, Guillaume Couillard. Il faudrait tout un volume pour retracer les incidents historiques qui se rattachent à la grande place du fort. Nous en avons indiqué un bon nombre aux premières pages de l'album du touriste. Nous ajouterons ce que nous avons déjà dit, les détails suivants. Il paraîtrait que là où s'élève le Union Hotel de 1804, les bureaux actuels du Journal de Québec, le gouverneur d'Aïbou résidait vers 1650. Il s'était réservé le 10 janvier 1649 la pièce de terre comprise entre la rue du Fort et la rue du Trésor d'une part et les rues Buade et Sainte-Anne de l'autre. À l'encoignure des rues du Trésor et de la rue Buade, côté ouest, Jean Côté avait un emplacement. Il le donna en dot en 1649 à sa fille Simone, qui se maria à Pierre Soumandre. Le terrain de l'archevêché faisait partie du clos de Couillard, dont la maison était dans le jardin actuel du séminaire, devant la porte qui donne sur la grande allée. Les fondations ont pu être retrouvées en 1866 par l'abbé Laverdière. Laval, D'Auteuil, Buade, Sainte-Hélène revivent dans les anciennes rues du même nom, tandis que Frontenac, Iberville, Piémont se rappellent à votre souvenir dans des rues modernes. Le vieux pilote écossais, Abraham Martin, qui possédait 32 arpents de terre dans le faubourg Saint-Jean, bornait au nord son domaine par la côte qui maintenant porte son nom, la côte d'Abraham. La mythologie a prélevé tribut sur une lisière du faubourg Saint-Louis. Le maître de l'Olympe païen à sa ruelle, la rue Jupiter. L'astronomie moderne fait acte de présence dans la rue Arago. Nous lisons dans un registre municipal « La rue Alfred s'étend de la rue Colomb à la rue Arago, dans le fief Notre-Dame-des-Anges. Cette rue, ainsi que ses parallèles, Alexandre, Nelson, Turgeon, Jérôme et Saint-Ours, et les transversales, Aragon et Colomb, furent tracés en 1845 de 30 pieds de large, la rue Saint-Ours ayant seulement 40 pieds, par l'inspecteur des chemins, M. Joseph Hamel, suivant les instructions et du consentement des dames religieuses de l'hôpital général. La rue du Parloir mène aux Ursulines. Au commencement du siècle, le juge de Bonny y résidait. Les Ursulines ont nommé d'après leur patronne la rue à l'ouest, qui coupe à angle droit les rues Saint-Louis et Sainte-Anne. La rue Saint-Ursule et les environs semblent être particulièrement affectés à l'art d'Hippocrate. Médecins et chirurgiens pullulent. Là résident les docteurs James Soul, son fils le docteur Colin Soul, messieurs Landry, Lemieux, Boswell, Bello, Russell père, Russell fils, Paillargeon, Larue, Rowan, Fortier, médecins distingués. Malgré le séjour de tant d'éminents membres de la faculté, le quartier est sain. On y vit longtemps. Les rues Craig, Aldiman, Dalhousie, Richmond, Prévost, Helmer perpétuent la mémoire de 6 gouverneurs anglais. Il y a quelques années, le conseil de ville, sur motion du conseiller Ernest Gagnon, dont le nom est identifié avec nos chants populaires, enleva à la partie de la rue d'Aiguillon, Extramuros, sa nomenclature, pour lui substituer le nom de Charlevoix. À la section de la rue Saint-Joseph, en dedans des murs, il conféra le nom de l'historien national François-Xavier Garneau. À la rue Saint-François, il donna le nom de l'historien Ferland et chacun d'applaudir. Les rues du Prince-Édouard, à Saint-Roch et Donnacona, près des Ursulines, nous redonnent deux personnages importants du passé, un prince de l'Angleterre et Donnacona, un prince du Canada primitif. Le vainqueur de Montcalm, le général Wolfe, compte non seulement une statue au coin des rues du Palais Saint-Jean, celle que les frères Cholette sculptaient en 1771 sur les devis de George Hipps, boucher, il a encore sa rue, la rue Wolfe. De même, son illustre rival Montcalm réclame tout un quartier de la ville. Est-ce que l'amoureux jeune capitaine de la Bermale, Nelson, allait flirter avec la séduisante demoiselle Prentice en 1782 dans la rue qui porte maintenant son nom? Plusieurs rues dans le faubourg Saint-Louis, Saint-Jean et Saint-Roch portent les noms des éminents citoyens qui en donnèrent le site ou qui, par leur esprit public, ont laissé une mémoire aimée parmi le peuple. Messieurs Berthelot, D'Artigny, Grace Stewart, T.C. Lee, Buteau, Hudon, Smith, Salaberry, Scott, Tourangeau, Poser, Panet, Bell, Robitaille, Ryland, Saint-Ours. La largeur de la plupart des rues de la ville varie de 30 à 40 pieds. La rue la plus spacieuse est la rue de la Couronne. La rue Saint-Jean est large de 36 pieds, intramuros, et de 46 pieds, extramuros, en conséquence d'une donation de 10 pieds de terrain après le grand incendie de 1845. Les propriétaires ont droit à toutes nos félicitations pour les beaux arbres qu'ils y ont fait planter. Québec comprend une dizaine de fiefs. Le fief du Saut aux Matelots appartient au séminaire. Les Ursulines, la Fabrique, les Héritiers-la-Rue, l'Hôtel-Dieu, les Récollets, tous avaient leur fief. La fabrique possède un fief, en outre du fief du Cap aux Diamants. Le fief de la Miséricorde appartient à l'Hôtel-Dieu. Les héritiers de la rue possèdent le fief de Bécancour et celui de Villeray. Il y a aussi le fief Sasseville. Le fief des Récollets appartient à la couronne. Saint-Roch doit une dette de reconnaissance à Monseigneur Saint-Vallier, qui a laissé son nom à la rue qu'il côtoya si souvent dans ses visites à l'hôpital général, où il alla clore son aventureuse carrière. Monseigneur paraît avoir eu des prédilections particulières pour cette localité. Puis vint l'intendant de Meules qui, vers 1684, dota la pointe est du quartier d'un édifice remarquable par ses dimensions, sa magnificence, ses jardins ornés, le palais de l'intendant. Où Talon avait laissé une brasserie en décadence et près de 17 arpents de terre non occupés, Louis XIV, sur l'avis de son intendant de Meules, prodigua de vastes sommes pour y ériger un palais fastueux où la justice française se rendait, ou plus tard, sous Bigot, elle se vendait. Nos illustres ancêtres, au reste, n'étaient pas hommes à se chagriner pour de telles vétilles. Façonnés de longues mains aux ineffables douceurs du régime féodal, sans oublier les corbées et ces adorables et royales lettres de cachet qui, au rapport de l'abbé Fayon, pouvaient au besoin atteindre même le clergé, que leur importaient les institutions d'un peuple libre, le texte de la Grande Charte. À cet endroit était le célèbre magasin où Bigot, Cadet et consort revendaient à d'énormes profits les provisions, etc., que le roi de France envoyait à la population affamée de Québec en 1758. Le peuple nommait la maison la Friponne. Près du site de l'ancienne brasserie de Talon, où Frontenac avait interné l'abbé de Fénelon en attendant son procès, s'élève maintenant la brasserie de M. Boswell. Aux yeux des libres et indépendants électeurs de la vacherie, au siècle dernier, nul doute que le palais de l'intendant ne sembla une huitième merveille. La capitulation du 18 septembre 1759 enleva vraisemblablement une notable partie de sa splendeur à la huitième merveille, qui subit une éclipse totale lorsque les boulets des milices canadiennes, en 1775-76, en délogeaient les envahisseurs du sol, les sans-culottes d'Arnold, comme le colonel Caldwell l'écrivait en 1776, à son ancien chef, le général Murray. On appelait la vacherie les vastes pâturages au pied du coteau Sainte-Geneviève, où paissaient en été des vaches de la cité, et où maintenant se groupent tant d'orgueilleux magasins sur les rues des Fossés, Craig, de la Couronne, etc. Si la rue Saint-Pierre eut eu, en 1775, pour voie de communication avec cette seconde basse-ville, la rue Saint-Paul, ouverte en 1816, nul doute que le soleil du progrès n'y eut lui près d'un demi-siècle plus tôt. Quelques projets d'amélioration, dit l'abbé Ferland, pour la ville de Québec, furent proposés au ministre par M. de Meules. Depuis assez longtemps, l'on reconnaissait la nécessité d'obtenir un local pour la demeure de l'intendant et pour la tenue des séances du conseil, le château Saint-Louis fournissant à peine un logement convenable au gouverneur et à ceux qui composaient sa maison. M. de Meules proposa d'acheter un grand édifice de pierre que M. Talon avait fait bâtir pour servir de brasserie et qui, depuis plusieurs années, était resté inoccupé. Placé dans une position fort commode sur le bord de la rivière Saint-Charles et à quelques pas de la haute ville, ce bâtiment, avec des réparations et des additions, pourrait fournir, outre une résidence convenable pour l'intendant, des salles et des bureaux pour le conseil souverain et les cours de justice, des voûtes pour les archives et une prison pour les criminels. Auprès de l'ancienne brasserie, M. Talon possédait une étendue de terre d'environ 17 arpents en superficie et dont personne ne se servait. Une partie de ce terrain, dans le plan de M. de Meules, pouvait être réservée pour les jardins et dépendances du palais de l'intendant, tandis que le reste serait partagé en emplacement et deviendrait une seconde base-ville qui pourrait un jour se prolonger au pied du cap. Il croyait que si ce plan était adopté, les nouveaux quartiers de Québec s'étendraient dans cette direction et non sur les hauteurs, presque toutes occupées par les communautés religieuses. On voit d'après le journal de Panay que Saint-Roch existait en 1759, que les femmes et les enfants du quartier n'étaient pas indifférents au sort de la patrie aux abois. Le même jour, 31 juillet 1759, dit Panay, « Nous entendîmes dans le quartier Saint-Roch un grand cri de femmes et d'enfants qui criaient « Vive le roi !» Je montai sur la hauteur, sur le coteau Sainte-Geneviève, et je vis la première frégate tout en feu. Peu de temps après, une fumée noire dans la seconde qui sauta et qui prit ensuite en feu. Le 4 août, on recevait à Saint-Roch quelques bombes de 80. Le 31 août, on lit que deux soldats, pour avoir volé un quart d'eau de vie de la maison de Charland, quartier de Saint-Roch, furent pendus à 3 heures après-midi. En ce temps-là, le général ou le recorder ne badinait pas. Qui était ce Charland de 1759? Était-ce le même qui, 16 ans plus tard, ferraillait avec d'Ambourget au saut au matelot? Depuis l'inauguration de la domination anglaise, Saint-Roch s'est peuplé d'une manière frappante. On y voit un réseau de rues embrassant en superficie plusieurs lieux. La voie publique la plus ancienne du quartier est probablement la rue Saint-Vallier. La rue des Fossés tire son nom vraisemblablement des fossés qui servaient à égoutter les pâturages de la vacherie. La rue du Vieux-Pont date de la fin du siècle dernier. Celle de Dorchester rappelle l'administrateur aimé et populaire qui, sous le nom de Sir Guy Carleton, conduisait les ministres de Québec à la victoire en 1775. La rue Craig reçut ce nom de Sir James Craig, vieux militaire, qui administra les affaires en 1807. Elle fut élargie et agrandie de 10 pieds après l'incendie de 1845. Le site du marché Saint-Paul fut acquis de l'ordonnance royale le 31 juillet 1831. Le pont Dorchester fut bâti en 1822. La rue Saint-Roch à Saint-Roch, qui n'avait d'abord que 25 pieds de largeur, par la libéralité des particuliers, fut portée à 40 pieds. Ceci engagea la corporation à la prolonger au-delà des limites de la cité, jusqu'au chemin de Lorette, et l'a rendue la plus utile et l'une des plus belles rues de Saint-Roch. Quand la plus spacieuse rue du quartier, la rue de la Couronne, large de 60 pieds, reçut-elle les cérémonies du baptême? À coup sûr, ce dut être avant 1837 l'ère de Papineau. La rue du Roi rappelle sans doute le règne de Georges III, ainsi pour la rue de la Reine. L'honorable John Richardson, de Montréal, vers 1815, donnait son nom à la rue qui traverse les terrains que la couronne venait de lui concéder pour les héritiers de feu William Grant, qui, lui aussi, léguait son nom à une rue avoisinante. Un monsieur Henderson possédait des terrains dans le voisinage de l'usine du gaz au commencement du siècle. Il fallait donc y créer une rue Henderson. Le quai du gaz est bâti sur le site de l'ancienne jetée, dont nous avons vu une mention vers 1720. Cette digue se composait de pierres entassées les unes sur les autres et servait à abriter le débarcadère au palais contre le vent du nord-est. En 1815, le colonel Bouchette dit que c'était une promenade assez fréquentée. Maintenant, l'extension du quai n'en laisse aucune trace. La rue de l'Église date sans doute de la construction de la belle église de Saint-Roch vers 1812. Le site en fut donné par l'honorable John Muir, mort en 1823. L'espace nous manque pour décrire convenablement une multitude de localités, de rues et d'édifices de Saint-Roch. Nous terminerons ces notes hâtives par quelques détails topographiques. Saint-Roch, comme la Haute-Ville, comprend plusieurs fiefs. À partir du fief du séminaire, à venir jusqu'au quai du gaz, les grèves, avec le droit de pêche, appartenaient originairement à l'Hôtel-Dieu, par concession du 21 mars 1648. Mais elles ont été concédées à d'autres. La couronne possède une réserve importante vers l'ouest de cette concession. Puis vient la concession de 1814 ou 1815 aux héritiers de William Grant, occupée maintenant par plusieurs chantiers. Jean Cartier, qui, en 1535-36, hivernait dans les environs de Saint-Roch, a donné son nom à toute une division municipale de ce riche faubourg, aussi bien qu'à une halle fort achalandée. Descendons cette antique et tortueuse côte de la Basse-Ville qui a retenti sous les pas de tant de régiments où les gouverneurs français et anglais ont tant de fois entendu leur nom acclamé par des foules avides d'émotion, où les vice-rois de la France et de l'Angleterre, depuis le fastueux marquis de Tracy au fier comte de Durham, montaient au château Saint-Louis, entourés de leurs brillants états-majors, au sein du canon et des fanfares guerrières. Nous voilà la principale artère du commerce dans la vieille capitale, la rue Saint-Pierre, large de 24 pieds seulement. La rue Saint-Pierre est vraisemblablement plus ancienne que sa sœur, la rue Saut-Matelot. Là où la Banque de Québec fut érigée en 1862, étaient les bureaux, la voûte, le quai de John Lumberner, marchand bien connu. Grâce à M. J.B. Martel, secrétaire de la Commission du Havre, nous pouvons décrire en quelques mots le site qu'occupe la Banque de Québec. Ce terrain, alors un lot de grève, fut concédé au séminaire par le marquis de Denonville en 1687 et confirmé par le roi le 1er mars 1688. Le 25 août 1750, Messire Christophe Delanne, directeur du séminaire des missions étrangères à Paris, le concéda à M. Nicolas-René Levasseur, ingénieur, ci-devant chef des constructions des vaisseaux de Sa Majesté très chrétienne. Le 24 juin 1760, vente de la même propriété à Joseph Brassard Deschêneaux, maison à 2 étages et un quai avec les pentures au-dessus de la porte. Le 8 septembre 1764, vente à Alex McKenzie, prix 5 800 $. Le 19 avril 1768, Joseph Deschêneaux vend son hypothèque à M. John Limburner. Le 8 août 1781, concession de la grève en arrière, à marée basse, par le séminaire, à Adam Limburner. Le 5 novembre 1796, vente par le procureur d'Adam Limburner à Matthew Limburner. Puis, Angus Shaw en devient propriétaire, moyennant 4100 livres. Le 17 octobre 1825, vente par décret à Henry Atkinson, Esquire. Il y avait 3 Limburner, morts vers 1816, Matthew et Adam, le plus lettré des 3. Ils étaient sans doute parents. Il y avait plus que des soupçons sur la loyauté d'Adam envers la couronne britannique en 1775. Néanmoins, ses talents oratoires, ses connaissances en droit constitutionnel, le firent déléguer en Angleterre pour plaider la cause de la colonie devant les autorités métropolitaines. Son discours est reproduit dans le Canadian Review, publié à Montréal en 1826. Le colonel Caldwell mentionne que le gouverneur Guy Carleton avait fait braquer un canon sur le quai de la maison de Limburner pour tirer sur les Bostonnais en 1775 lorsqu'ils tentèrent une surprise dans le quartier Saut-Matelot. On voit encore dans la maison voisine, au sud de cette dernière, et appartenant aux héritiers Atkinson, de fort massives voûtes, d'origine française probablement. Sur le site où est le bureau de M. McGee et de l'Express, il y avait, en 1759, l'entrepôt de marchandises de M. Perrault. D'après de nombreuses lettres et factures trouvées en ce grenier et qu'un antiquaire nous a remises, M. Perrault avait des relations commerciales fort étendues au Canada et en France. La rue Saint-Pierre est devenue le quartier général du haut commerce. Des bureaux d'assurance sur la vie, contre les accidents par le feu, les institutions monétaires y trônent orgueilleusement. La Banque de Montréal, de Québec, la Banque Union, Banque Nationale, la Banque Stadacona, Banque Britannique. Dans cette rue demeurait en 1774 le capitaine Bouchette qui, l'année suivante, dans son vaisseau le Gaspé, nous ramenait sain et sauf en dépit des Yankees, Sir Guy Carleton, notre gouverneur. M. Bonchard, marchand, M. Panet, N.P., le père de Mgr B.C. Panet, aussi bien que M. Boucher, maître du port, harbour master, qui fut nommé à ce poste par le gouverneur R.S. Miles sur la recommandation du duc de Kent, dont il avait piloté le vaisseau, porteur du 7e régiment, de Québec à Halifax, y résidait. Le bureau où se rédige depuis 1847 le Morning Chronicle appartenait en 1759 à M. Jean Taché, syndic des marchands, homme probe et d'esprit, disent les mémoires, un de nos premiers poètes. Il composa un poème sur la mer. C'est l'ancêtre de Sir E.P. Taché, du romancier Marmette, etc. Il possédait alors, en outre de grands bureaux, que l'incendie dévorait en 1845, sur le quai Napoléon, et une maison de campagne sur le chemin Sainte-Foy, plus tard Holland House. Ce local, pendant près d'un demi-siècle, fut un café fort achalandé par les marais de Longcourt, sous le nom de Old Neptune Inn. Le dieu de la mer, armé d'un trident formidable, placé au-dessus de la porte, menaçait les passants. nous nous rappelons comme d'hier ses formes colossales. Il a disparu depuis près de 30 ans. Parallèle à la rue Saint-Pierre, court la rue Notre-Dame, qui conduit à la petite église de la Basse-Ville, nommée d'abord Notre-Dame de la Victoire, en souvenir de la victoire emportée en 1690 sur l'assiégeant Phipps. Plus tard, Notre-Dame de Victoire, en mémoire de la défaite de l'escadre de l'amiral Walker en 1711. Ce coin de la rue Saint-Pierre occupe probablement les avenues et les parterres où Champlain cultivait les roses vers 1615. En face de l'église Notre-Dame des Victoires et sur le site occupé actuellement par l'hôtel Blanchard, les dames Ursulines, en 1639, trouvèrent un asile à une toute petite habitation, espèce de magasin, alors la propriété du sieur Juchereau des Châtelets, situé au pied du sentier de la montagne, où le gouverneur, M. de Montmagny, dit-on, leur envoya porter leur premier souper. L'endroit a encore d'autres traditions, de suaves mémoires. La bonne, la jeune, la belle Madame de Champlain, vers 1620, y enseignait le catéchisme sous l'ombrage des bois aux marmots-hurons qui s'extasiaient en voyant leurs traits reproduits dans le petit miroir que leur bienfaitrice portait suspendu à son côté. Parmi les nombreuses voûtes et magasins de la Basse-Ville, en 1682, le feu éclata et réduisit en cendres une grande partie des édifices. Sur une partie de ces décombres, on construisit plus tard Notre-Dame de la Victoire. Ouvrons le tome 2 du cours d'histoire du Canada de l'abbé Ferland et disons. D'autres ruines se trouvaient, en 1684, au centre des affaires à la Basse-Ville. C'étaient des murs noircis et lézardés, l'ancien magasin de Champlain qui, de main de la compagnie, était passé dans celle du roi. Il était resté dans l'état où l'avait laissé le grand incendie qui, quelques années auparavant, 1682, avait détruit la Basse-Ville. Monseigneur de Laval obtint en 1684 cet emplacement de M. de la Barre afin d'en faire une chapelle succursale pour l'avantage des habitants de la Basse-Ville. Ce don ne fut cependant ratifié qu'un peu plus tard en faveur de M. de Saint-Vallier. Au mois de septembre 1685, Messieurs de Denonville et de Meules firent expédier la concession pure et simple de ce lieu pour l'érection d'une église que le digne évêque bâtit avec le temps sous le nom de Notre-Dame de la Victoire. Le débarcadère des petites embarcations, en avant de la vieille halle, maintenant le marché Finlay, a sans doute emprunté son nom, la place, du site avoisinant, en face de l'église Notre-Dame, connue comme la place de Notre-Dame. M. Finlay, un des bienfaiteurs de la cité, laissa des dons que la ville employa à acheter ce marché. C'est dans ces environs, un peu vers l'ouest, qu'avait lieu en juillet 1608, sous l'ombrage discret d'un bois, près du jardin que Champlain se faisait accommoder, l'historique entrevue qui sauva la colonie. Le secret en valait la peine. Rien de surprenant si le loyal pilote de Champlain, le capitaine Têtu, jugea à propos de conduire le fondateur de Québec à l'écart dans un bois voisinant pour lui dévoiler l'odieuse trame qu'un des complices, Antoine Nathel, serrurier, venait de lui confier sous le plus grand secret. Le chef de la conspiration était un nommé Jean Duval, venu en ce pays avec Champlain. On devait égorger Champlain, piller le magasin, puis rejoindre les vaisseaux espagnols et basques à Tadoussac. Comme il n'y avait alors dans la Nouvelle-France ni cour d'appel, qu'il n'était nullement question d'une cour suprême, le procès du chef de la conspiration fut bientôt instruit et le sieur Jean Duval fut bel et bien pendu et étranglé au dit Québec et sa tête mise au bout d'une pique pour être plantée au lieu le plus imminent du fort. Certes, cette livide tête de forcené, au bout d'une pique, près de la rue Notre-Dame, devait faire un effet pittoresque à la brûlante. Mais le brave capitaine Têtu, le sauveur de Champlain et de Québec, qu'est-il devenu? Champlain lui fait l'honneur de le nommer, voilà tout. Ni monument, ni poème, ni page d'histoire, rien pour commémorer son dévouement. À l'instar de celle de l'homme illustre dont il sauva les jours, sa tombe est ignorée. Il n'existe personne de sa descendance, d'après l'abbé Tanguay. La plus vaste, la plus remarquable de ces solides voûtes françaises est celle maintenant possédée par la succession Poston, sur le côté nord de la rue Notre-Dame, presque en face de l'église. On prétend que ces voûtes étaient construites non seulement à l'épreuve du feu, mais encore à l'épreuve de l'eau, aux grandes marées du printemps et de l'automne. Pendant le siège de 1759, on voit, d'après le journal de Panay, que la basse ville n'était qu'un monceau de ruines fumantes. Au 8 d'août, c'était un brasier. Les bombes de Wolfe et de Saunders avaient pénétré jusque dans les voûtes souterraines. Cette date fut fatale à bien des Québécois. Les Anglais jetèrent des pots à feu sur la basse ville, dont trois tombèrent, un sur ma maison, dit M. Panay, un sur une des maisons de la place du marché et dans la rue Champlain. Le feu prit à la fois dans trois endroits. En vain voulut-on couper le feu et l'éteindre chez moi. Il venait un petit nord-est et bientôt la basse ville ne fut plus qu'un brasier. Depuis ma maison, celle de M. Désiry, celle de M. Maillot, rue du Sceau-Matelot, toute la basse ville et tout le cul-de-sac, jusqu'à la maison du sieur Voyer, qui en a été exempt, enfin, jusqu'à la maison du sieur Voisy, tout a été consumé par le feu. Il y a eu 7 voûtes qui ont été crevées ou brûlées, celle de M. Perrault, le jeune, celle de M. Tachet, de M. Turpin, de M. Benjamin de la Mordique, Géonne, Maronda. Jugez de la consternation. Il y eut 167 maisons de brûlées. 167 maisons incendiées devaient créer bien des lacunes. On sait où était le magasin de M. Perrault, jeune, de M. Taché. Mais qui nous indiquera où étaient les maisons de Désiry, Maillot, Boyer, de Voisy et les voûtes des messieurs Turpin, de la Mordique, Géonne, Maranda? On sait que Champlain, après son retour à Québec en 1633, avait eu le soin de réparer une batterie placée au niveau du fleuve, près du magasin, et dont les canons commandaient le passage entre Québec et la côte opposée. Or, en 1683, cette batterie de canons posée dans la basse ville, environnée presque de maisons de tous côtés, était éloignée du bord de la rivière et causait de l'incommodité au public. Le gouverneur d'alors, Lefebvre de la Barre, ayant reconnu un endroit bien plus avantageux vers la pointe des Roches et au bord du dit fleuve à haute marée qui, dit-il, battra bien plus avantageusement dans la rade et qui causera bien moins d'incommodité aux maisons de la dite basse ville, jugea à propos de transporter la dite batterie et les révérends pères de la Compagnie de Jésus s'étant offerts à contribuer aux frais qu'il conviendrait de faire, il leur concéda une partie de l'emplacement qui est au-devant du lieu sur lequel est présentement posée la dite batterie de canon, entre la rue et le grand chemin de charrettes venant du port et la rue dite Saint-Pierre. Voilà donc l'origine du quai Napoléon et une mention bien distincte de la rue Saint-Pierre. La maison construite près de ce site fut vendue le 22 octobre 1763 à M. William Grant, écuyer, qui, le 19 décembre 1763, achetait aussi le reste du terrain jusqu'à Basse Marée, de Toss Mills, écuyer, major de ville, lequel venait d'en obtenir la patente le 7 décembre 1763 du gouverneur Murray, en récompense, comme il est dit au préambule de l'acte, de ses services militaires. Cette propriété, qui plus tard appartenait à M. William Burns, fut par lui cédée, le 16 octobre 1806, à M. J. W. Woolsey. Le quai Napoléon, acquis en 1842 de M. Buteau par feu M. Chouinard, fait maintenant partie de la succession Chouinard. Il se compose en réalité de deux quais réunis en un seul. La partie à l'ouest se nomme quai de la Reine. La voie qui mène du cap vers ce quai est nommée rue sous le fort à cause de sa position. Elle date probablement de l'année 1620, quand on jeta les fondations du fort Saint-Louis. En 1663, elle devait aboutir à la pointe des Roches. Au siècle dernier, la rue sous le fort comptait entre autres résidences celle de Fleury-Joinière, frère de Fleury de la Gorgentière, beau-frère du gouverneur de Vaudreuil. Il y avait aussi dans cette rue la maison de M. Georges Aslop, le chef de l'opposition dans le conseil du gouverneur Cramahé, etc. Son voisin était M. Damour des Plaines, le conseiller au conseil supérieur. Puis, ensuite, la résidence de M. Cuvillier, le père de l'honorable Austin Cuvillier, le patriote le plus désintéressé qui ait vu le jour à Québec. Dans cette rue se trouvait le magasin de M. Cugnet, le fermier du domaine de Labrador. Il ne faut pas confondre le quai Napoléon, tel que l'avait fait M. Brunet avec M. Buteau, avec le quai de la Reine, propriété de M. Bousselet. Du quai du Roi aux Forges du Roi, dont on trouvait les masures au commencement du siècle, un peu plus haut que le hangar du roi, il n'y a que quelques pas. G. Bellet, MPP, demeurait dans la propriété de M. Chouinard, au coin des rues Saint-Pierre et sous le fort. Entre le quai de la Reine et la jetée à l'ouest, appartenant aux autorités impériales et nommé le quai du roi, il y avait un enfoncement ou débarcadère fort prisé par nos aïeux, où les vaisseaux côtiers et les petites embarcations de rivière se réfugiaient, le cul-de-sac. Là aussi, les navires, surpris par un hiver hâtif, attendaient que les soleils d'avril vinssent rompre leurs chaînes en fondant les glaces du fleuve. On les mettait en hivernement sur un fond de glaise, douillettement et en sûreté. Les vaisseaux naufragés y venaient aussi pour recevoir des radoubes. Le cul-de-sac, avec ses us et traditions marines, avait aux anciens jours son utilité dans notre incomparable port de mer. Près de cet endroit, en 1759, Vaudreuil avait établi une batterie à fleur d'eau. Sur ce site fut bâti vers 1833 l'ancienne douane. Le cul-de-sac rappelle la première chapelle qui a servi d'église paroissiale à Québec, celle que Champlain fit construire à la Basse-Ville, en 1615, dans l'anse du cul-de-sac, où le nom de Champlain est resté attaché à la rue qui aboutissait à cette chapelle. Les Récollets y firent les fonctions curiales jusqu'à la prise de Québec par les Kirks, 1615-1629. La Verdière. Rien moins qu'un besoin pressant de fournir au public un marché convenable et aux petits vapeurs côtiers des quais ne put déterminer la municipalité d'y ériger les jetées actuelles et d'y élever en 1856, avec les débris de l'ancien Parlement, la spacieuse halle Champlain que nous connaissons. Le quai du roi et les hangars du roi sur Isselui ont aussi leur tradition marine et militaire. Quelques compagnies des volontaires y étaient casernées à l'époque palpitante de 1837-38, lorsque Bob Sims rêvait une nouvelle conspiration chaque nuit et que M. Aubin préservait dans l'ambroiserie du fantasque ce loyal magistrat. Que de pimpantes frégates, que de vaisseaux amiraux de la Grande-Bretagne ont attaché un canot à la rampe de ce quai. Jacques Cartier, Champlain, Nelson, Bougainville, Cook, Vauquelin, Montgomery ont tour à tour foulé cette pittoresque plage surplombée par le Cap aux Diamants. Depuis un siècle, la rue qui porte le nom vénéré du fondateur de Québec, la rue Champlain, oublieuse de ses anciennes traditions gauloises, est le quartier général, exclusif presque, de notre population hibernienne. Une lugubre planche, peinte en noir, suspendue au saillie du Cap, marque l'endroit où l'un de leurs compatriotes, le général Richard Montgomery, avec ses aides de camp, Cheeseman et McPherson, recevait le coup de grâce pendant une tempête de neige un samedi vers 5h du matin, le 31 décembre 1775. Cette malencontreuse matinée, pour nos amis des ennemis, le poste était gardé par des miliciens canadiens, messieurs Chabot et Picard. Le capitaine Barnsfair, marin anglais, avait pointé le canon. Coffin et le sergent McQuarters le tirèrent. À l'extrémité est était, selon messieurs Casgrain et Laverdière, le tombeau de Champlain. Monsieur S. Drapeau dit qu'il n'en est pas sûr. Un peu à l'ouest est le Cap Blanc, habité par un petit groupe de Canadiens français. Près de là fut lancé le premier navire bâti à Québec en 1673. Le drapeau blanc flottait alors au bastion du Cap aux Diamants. La rue Champlain court presque jusqu'au Cap Rouge, une distance de 6 000. Pendant l'hiver, les incidents les plus marquants sont les éboulis sur les toits de quelques avalanches des flancs du Cap. Quelquefois, mort s'ensuit. La poste de la quille d'un grand navire dans les chantiers de messieurs Gilmore, Dinning, Baldwin, etc. Ceci remet la joie au cœur des pauvres charpentiers en grève dont les blanches chaumières se groupent tout le long de la côte. Excepté pendant les mois d'été, où les équipages des nombreux navires en chargement le long des estacades dansent et chantent dans les estaminets, l'année s'écoule paisible. Au grand jour des galas, au temps des élections, quelques fils de Saint-Patrice parcourront l'historique rue armés de Garneves ou de Shillelagh pour maintenir la paix. En somme, la rue Champlain a une physionomie toute particulière. Parmi les rues de Québec, les plus célèbres dans nos annales à raison des incidents qui s'y rattachent, nommons la sale et tortueuse voie qui circule du bas de la rue La Montagne. En 1664, la rue La Montagne, qui, au rapport de l'abbé Laverdière, avait emprunté son nom de nommer La Montagne, qui résidait sur son parcours. Elle se nommait la rue qui descend au magasin, le premier édifice de la basse ville, bâti, comme l'on sait, par Champlain. Elle court à 200 pieds sous le cap, jusqu'au sentier plus étroit encore, où finit la rue Saint-James, et mène au pied de la côte de la Canoterie. Nous avons nommé la rue Saut-aux-Matelots. Au bas de la côte de la Canoterie, les pères jésuites, venant par eau de la ferme des Anges, attachaient leurs canots. Est-ce parce qu'un matelot, un peu grisé sans doute, en est... Ou est-ce parce qu'un chien du nom de Matelot y sauta? Était-ce le chien de Champlain? Nous demande un antiquaire. Consultez du creux. Notre ami Marmette l'a réservé pour recevoir dans sa chute son héros, Dent de Loup. Ce sentier plus étroit, dont nous venons de parler, a nom Ruelle des Chiens. Ainsi la nomme le peuple. Le directory le nomme Petite rue Saut-aux-Matelots. Il est si étroit que deux charrettes, en certains angles, ne pourraient s'y rencontrer. Figurez-vous qu'à venir à 1816, nos mayanimes aïeux n'avaient d'autre débouché en cette direction, à marée haute, pour pénétrer à Saint-Roch, car la rue Saint-Paul est postérieure à 1816, comme M. de Gaspé nous l'a si bien dit. N'est-ce pas incroyable? Il y avait sans doute à chaque extrémité, comme dans certaines passes des Alpes, un gardien muni d'un porte-voix pour annoncer quand le passage était libre et pour prévenir les rencontres. Cette localité, aux différentes surtout pendant la canicule, est fort peuplée. Les bambins de la Verte-et-Rhin y pullulent comme lapins en garenne. Des touristes aventureux qui s'y sont risqués au jour radieux de juillet en sont revenus tout éblouis, abasourdis même des merveilles de l'endroit. Entre autres curiosités indigènes, ils y ont remarqué comme des tentes aériennes, improvisées sans doute contre les rares rayons du soleil et du midi. Sur des ficelles tendues d'un côté à l'autre de la voie, était le linge des familles, mis à sécher. Quand le vent agitait au-dessus des passants toutes ces blanches chemisettes, mêlées à des caleçons masculins, et à ces fragments de toile si nécessaires au jeune âge, l'effet, dit-on, était pittoresque au suprême degré. Quant à nous, désireux, dès notre jeunesse, d'approfondir les moindres détails de l'histoire de notre cité et de les narrer dans toute leur pétillante actualité, pour l'édification des touristes distingués de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, ça a été pour nous un de nos chagrins les plus cuisants de savoir que l'unique visite que nous ayons faite à la ruelle des Chiens ait été postérieure à la publication de l'album du touriste, ce qui en explique l'omission. Nos plus illustres touristes, le fils aîné de la reine, le prince de Galles, ses frères, les princes Édouard et Arthur, le duc de Newcastle, de Manchester, les généraux Grant, Sherman, le prince Napoléon Bonaparte, tous, dit-on, ont quitté Québec sans avoir visité la ruelle des Chiens, ignorant même, il est probable, son existence. Et pourtant, cette rue est immensément historique. Elle a résonné des fanfares de la guerre, du grondement du canon, d'une fusillade des plus vives. Le colonel Arnold y tombait blessé au genou. On le transportait au milieu des cris désespérés de ses soldats, ruisselant dans leur sang, sous le sabre de Dent Bourget, du féroce et colossal Charlan, du brave Caldwell, secondé de son ami Nairn, et de leurs ardentes milices. Nos amis, les annexionnistes d'alors, étaient tellement décidés à annexer Québec qu'ils se ruaient comme des possédés sur la barrière, il y en avait trois, dans la rue des Chiens et dans la rue Saut-aux-Matelots. Chacun, dit Sanguinet, portant une feuille de papier sur le chef, sur laquelle était écrit « Mors aut Victoria », la mort ou la victoire. Il y a de cela 100 ans. De nombreux cadavres jonchaient les environs. On les transportait au séminaire. Vous trouverez d'amples détails sur cette glorieuse journée dans l'album du touriste. On croit que la première barrière était au bas de la demi-lune en pierre où repose maintenant un canon sur les remparts. La seconde était en arrière des bureaux de M. W. Campbell, N.P., et la troisième, près du bureau de la Banque nationale, dans la rue Saut-aux-Matelots. La rue Saut-aux-Matelots a perdu toute son allure militaire d'alors. À part les bureaux de M. Ledroit, du Chronicle, des mesureurs de bois, Colors, elle semble affectée à des charretiers et à la nombreuse tribu des tonneliers dont les futailles, à certains jours, couvrent les trottoirs. Il serait à désirer que la municipalité entrât en arrangement avec ces honnêtes industriels pour savoir à quel taux ils consentiraient à laisser la voie publique libre aux passants. La rue Saut-Matelot ne paraît pas sur le plan de Québec de 1660, reproduit par l'abbé Fayon. Ce quartier de la Basse-Ville, si populeux sous le régime français et où, selon M. de Laval, il y avait en 1661 Magnus Numerus Civium, continua jusque vers 1832 à représenter, par le tohu-bohu des affaires et des résidences des principaux négociants, une des plus riches portions de la cité. En 1793, le père de notre souveraine, en garnison à Québec, colonel du 7e régiment, y acceptait l'hospitalité de M. Limburner, un des négociants les plus huppés de l'époque. La chère amie, qui vécut comme son épouse avec lui pendant 28 ans, l'élégante baronne de Saint-Laurent, était-elle de la partie? C'est ce qui nous a été impossible de constater de notre vieil ami, l'honorable William Shepherd, de Woodfield, pré-Québec, mort en 1867, dont nous tenons ce renseignement. M. Shepherd, qui avait fréquenté les meilleurs salons de la vieille capitale, était lui-même un des contemporains du généreux et jovial prince Édouard. Le quartier du Saut-Matelot, la rue Saint-Pierre, la rue Saint-James, à venir à l'année 1832, contenait les résidences d'une foule de familles fort à l'aise. Plusieurs de nos premiers marchands y résidaient. Les traces de luxe dans les salons y sont visibles jusqu'à ce jour. On sait que le drainage était presque ignoré alors en notre bonne ville. Le fléau asiatique cette année-là décima la population. 3500 cadavres étaient allés dans quelques semaines prendre leur place au cimetière. Cette terrible épidémie causa, pour ainsi dire, une révolution sociale à Québec. Les terrains sur les chemins Saint-Louis, Sainte-Foy, prirent de la valeur. La classe aisée quitta la Basse-Ville. On y faisait ses affaires, mais on résidait à la campagne ou à la Haute-Ville. Le fief du Saut-Matelot, qui appartient maintenant au séminaire de Québec, croyons-nous, fut concédé à Georges Hébert le 4 février 1623. Puis, le dernier jour de février 1632, son titre lui fut confirmé par le duc de Ventadour. Sur le terrain réclamé du fleuve, vers 1815, messieurs Monroe et Bell, négociants distingués, bâtirent des quais et de grands hangars auxquels la ruelle Bell, Bell's Lane, si nommée d'après l'honorable Matthew Bell qui l'avait ouverte en 1831, les rues Saint-James, Hatcher, Dalhousie et autres conduisent. M. Bell, plus tard l'un des locataires des forges de Saint-Maurice, résidait dans la maison, loin de la rue Saint-James et Saint-Pierre, possédée maintenant par M. J.G. Chapham, N.P. C'était un citoyen très influent. Il commandait une compagnie de cavalerie, fort en renom parmi messieurs nos pères. Il eut une nombreuse famille et fut par mariage lié au Montezembert, au Bowen, etc. La rue Dalhousie, à la Basse-Ville, date probablement de l'ère du comte de Dalhousie, de 1827, quand le Quebec Exchange, la bourse, fut bâti par une société de marchands. L'extrémité de la Basse-Ville, au nord-est, constitue la pointe à Carcy. Au large, elle a jeté des commissaires du Havre, auprès de laquelle la belle frégate, l'Aurora, capitaine de Horsey, hivernait en 1866-67. L'extension du commerce au commencement du siècle présent, l'augmentation de la population, faisait ardemment désirer des voies de communication entre la Basse-Ville et Saint-Roch, moins scabreuses que le tunnel de la ruelle des Chiens et la grève du Saint-Charles à Basse-Marie. Vers 1816, on acheva l'extrémité nord de la rue Saint-Pierre, qui alors se terminait par un pont rouge, resté mémorable dans les souvenirs populaires. L'apôtre Saint-Paul eut sa rue, aussi bien que son collège, Saint-Pierre. Monsieur Benjamin Truman, Baden, Morrison, Parent, Allard et autres acquirent des terrains sur le côté nord de cette rue et bâtirent des quais, des bureaux, de grands magasins. La construction du chemin de fer du Nord donnera plus tard une grande valeur à ses propriétés, dont la majeure partie appartient maintenant à notre compatriote, M. Jean-Baptiste Renault, qui doit sous peu, paraît-il, doter cette partie de la base ville d'édifices de première classe. Le quartier, espérons-le, progressera et notre entrepreneur concitoyen n'en souffrira pas. Nous empruntons au Directory for the City and Suburbs of Quebec pour 1791 par McKay, imprimé au bureau du Quebec Herald, le paragraphe suivant. Rues écartées. La canoterie suit la rue Saut-aux-Matelots, commence à la maison de Cadet, où M. Oliver Alwyn demeure, et continue jusqu'à la distillerie de M. Grant. La rue Saint-Charles commence là et finit à l'ouverture au-dessous de la porte du palais. La rue Saint-Nicolas va depuis la porte du palais jusqu'au bord de l'eau, passant par devant la veuve Lavallée, l'ancien chantier vis-à-vis de la garde de bateau. La rue du Cap-Diamant commence au quai de M. Antrobus et finit à l'extrémité ultérieure de celui de Mars-Dunière, au-dessus du Cap-Diamant, les rues Carrière, Mont-Carmel, Sainte-Geneviève, Saint-Denis, Desgrisons sont toutes au-dessus de la rue Saint-Louis. J.M. Lemoine. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Les rues de Québec par J.M. Lemoine.